À l'occasion du 80e anniversaire de la victoire dans la bataille de Pochonbo, commandée par le président Kim Il-sung, il y a eu le 4 à Pochonbo, la marche aux flambeaux et le meeting de feu de bivouac des jeunes étudiants. Y ont pris part Park Bong-joo, membre de la commission permanente du bureau politique du comité central du Parti du Travail de Corée, vice-président du comité des affaires d'État et premier ministre du cabinet ministériel de la République populaire démocratique de Corée, Kim Gi-nam, vice-président du comité central du Parti du Travail de Corée, le sous-maréchal Lee Myung-soo, chef de l'état-major général de l'armée populaire de Corée, Choi Bu-il, ministre de sécurité du peuple et autres cadres du parti, des forces armées, des ministères, des établissements centraux, des formations des travailleurs et de la province du Yangon. Suivant le chant « Vive le généralissime Kim Il-sung » est commencé le défilé au flambeau des jeunes avant-gardistes. La population et les jeunes et enfants de l'arrondissement de Pochon ont salué vivement les participants au défilé. Les cadres responsables du parti, de l'État et de l'armée, les fonctionnaires des organismes du parti, du pouvoir et de l'Union de la jeunesse, ainsi que les pèlerins ont allumé le feu de bivouac. À la suite de la lecture du poème fleuve « Le Mont Pektou », les jeunes étudiants ont dansé à la mélodie des chants révolutionnaires autour du feu de bivouac.